mensonge, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. La vérité comme étendard depuis mes premiers disques. Je prends des risques, on danse pas sur ma musique, donc je serai jamais une superstar. Au pays des droits de l'homme, mais de quel homme? Je rentre pas dans leurs critères, mais de quelles normes? S'intégrer, mais sous quelle forme? Avec mes cheveux crépus et mes lèvres gonflées, mais moi j'ai du mal à le croire, mais à ce qui paraît, je suis français. Franchement, sans vous offenser, je suis pas venu en France pour danser, mais pour banquer. J'ai tronqué le son contre du sale rap français. Je suis menotté à la vérité, à l'inverse des célébrités qui débitent des stupidités. Je ne conçois pas la forme sans le fond. Qu'est-ce que je fais? Je mène une révolution sur le son, sans le sang de mandat. Ah, disons, si je défends mes convictions, piégé dans son émission, je n'ai pas trahi mes positions. Comprends que je n'ai pas ma place dans leur talk show. Je peux pas porter le masque occidental du gentil négro. Hypocrisie démocratique, deux poids, deux mesures. Va dire aux provocateurs que je rejette leur caricature. Votre justice porte un voile arbitraire et opaque. On parlera laïcité pendant les vacances de Pâques. Bleh! J'ai trempé ma vérité dans du piment. Comme Fab, j'ai encore la pertinence de l'impertinent. J'parle et j'agis depuis idéal J. Et même les pseudo black pro ne changent pas ce que je suis, ne changent pas ce que je pense, ne changent pas ce que je crois. Pour faire tomber ma plume, il faut me couper les doigts. Tu peux me crever les yeux, tu ne changes pas ce que je vois. Tu peux me trancher la gorge, mais mes écrits ont une voix. Autrement dit, il faut me tuer sur le boulevard des vendus. Tu ne verras pas ma vérité se prostituer. Si un jour il m'assassine, continuez le combat et enterrez-moi à Médine. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge des fous, ce sera sans nous. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté. On accepte le prix de la vérité. Faudra nous coudre les lèvres, nous clouer le bec. Aux 9 mm, faudra nous trouer les pecs, nous couler dans la glaise ou bien plastiquer nos caisses. C'est Medine et Kerry James qui viennent couper les têtes. Faudra zipper le sac mortuaire sur mon visage et m'envoyer rejoindre James Brown et Isaac Hayes. Ici Sakai, les stades sont remplis de Zig Heil. Y'a pas de trône dans le rap mais que des chaises musicales. Les cordes vocales, faudra nous atrophier. Que tous ces ploucs nous écoutent ou qu'ils s'étouffent avec leurs trophées. Allez tous vous faire intégrer dans leur chaîne. Moi je ne cherche pas la vérité. Sous le prochain y'a PHL, puis Barboulawan. Je n'ai pas la voix de Palavoine. Sur les traces de mes ancêtres, j'ai pris la voix du Padawan. Bah ouais, lorsque le ventre a digéré trop de mensonges, la vérité bouleverse comme la grosse frappe de King Kong. Faudra nous limer les canines, percer nos calcanis, laisser nos carcasses pour mortes sur le tatami. Nous on agit à la hauteur de nos réputes, car les cimetières et les bistrots sont remplis de gars qui auraient pu. Moi j'ai la verre déguisée, le verre dépissé, la véracité lorsque le fer a sifflé. J'ai la férocité, les MC vont se faire chiffler. Faudra les faire exciser, oh, faire à souder. Non, ce n'est pas vulgaire, c'est du hardcore de compète. Celui qui vise la tête sans le syndrome de la tourette. Celui qui se fout des grosses Rolex et des machines à roulettes. Celui qui passe par la fenêtre comme Pierre Brossolette. Ah, en plus d'un tigre dans la gorge, moi j'ai la rime utile. Je porte le nom d'une ville qui regorge de martyrs. Medine, en featuring sur le son de Killer James. Balance les traces qui cicatrisent leur coupure de presse. Nos vérités dérangent, on s'en fout. Propager le mensonge.